Lettre 98e, Agathoclès à Constantin, Lauriacum, mars 305. Un homme dont je connais la fidélité te remettra cette lettre. Elle contient tout ce que tu désires savoir et ce que ton père te fait dire. Tout est prêt. Tu peux compter sur les légions gauloises, espagnoles et britanniques que ton père a disposées en ta faveur. Je n'ai pas été moins actif ici à Naricum, dans la Pannonie et dans la Dace, et j'espère que tu seras content de moi. Les chrétiens sont liés à toi par la haine qu'ils ont pour leur persécuteur Galerius, et par leur rapport d'opinion. Le reste suit l'exemple de la multitude, et ils se fondent sur l'espoir de la réussite, ayant à leur tête un jeune héros dont les hauts faits aux plaines de Carae et dans les montagnes de l'Arménie sont parvenus jusqu'à eux. Du moment que Dioclétien aura déposé la pourpre, et que Maximien, de force ou de gré, l'aura imité, ton père et Galerius seront Augustes et toi, fils du César d'Occident, son légitime successeur. Qu'importe que Galerius nomme pour le sien un Marcius Alpinus, qui, dans cette espérance, lui fait une cour servile. Tu n'as rien à craindre. L'esprit du temps, qui penche insensiblement à rejeter le paganisme pour reconnaître une religion divine, est de ton côté. Il combat pour toi avec force. Il entraîne l'humanité entière dans tes intérêts. Les anciens usages résisteront vainement au pouvoir de la vérité et à l'attrait qu'un changement a toujours sur la multitude. Oui, Constantin, le beau plan que nous avons si souvent médité ensemble s'accomplira. Mon esprit s'arrête avec orgueil sur la pensée d'y avoir contribué. Mes peines, mon temps, ma vie même, je les sacrifierai avec joie, et rien ne me paraîtrait difficile pour en assurer la réussite. Depuis que j'ai vu mourir le digne Florianus, la couronne du martyr est constamment présente à mon imagination, non pas celle qu'on affronte souvent par un zèle malentendu et par une fausse idée de la religion, mais une mort volontaire pour le bien de l'humanité, pour assurer, pour accélérer le grand ouvrage d'où dépend le sort à venir du monde entier, pour amener par ma fermeté des âmes au Seigneur. Voilà le genre de mort qui s'offre sans cesse à moi comme le premier des bonheurs. Tu sais comme j'aime ma théophanie, et tout ce que le fils qu'elle m'a donné doit être pour moi. Tu connais quels sont mes principes et mes devoirs de père. Tout ce que je pourrais te dire là-dessus serait superflu. Mon bonheur terrestre est attaché à ces deux êtres chéris. Je suis assuré d'être heureux tant que je les conserverai. Et sans eux, aucune grandeur, aucune puissance, fût-ce le sceptre du monde, ne pourrait toucher mon âme. Malgré la force de ces attachements, je me suis examiné sévèrement dans mes heures de solitude, et aussi lorsque je serrai ma femme et mon enfant contre mon cœur. J'étais forcé de sentir qu'il existe encore un plus grand bien que la vie même la plus heureuse, et que les sentiments les plus doux et des devoirs plus sacrés pour lesquels, s'il le fallait, je renoncerais à tout. Peut-être que je suis trop présomptueux, et malheur à moi si j'osais défier le sort de m'abattre, mais je crois que j'aurais le courage de sacrifier mon bonheur terrestre si je voyais avec conviction l'utilité de ce sacrifice. Je le crois, mais je prie la Providence de ne pas me mettre à une si rude épreuve. Ah, Constantin, si j'étais appelé, mon cœur se briserait en quittant ma théophanie et mon fils, plutôt que par le coup mortel. Je n'ose me laisser aller au cours de ces idées. L'âme sensible de ma femme n'a que trop vu ce qui se passait dans la mienne lors de la mort de Florianus. Elle me comprend si bien qu'elle n'a besoin ni de paroles, ni de la plus légère allusion pour savoir ce qui se passe en moi. Nos cœurs sont de la même trempe. Ils sont unis par un lien si fort et si serré que l'un ne peut recevoir une impression sans que l'autre en soit averti au même instant. Cette parfaite ressemblance fait à présent notre plus grand bonheur, mais combien elle rendra malheureux celui qui sera appelé à survivre à l'autre. Toi, mon Constantin, tu es assez heureux ou assez sage pour ne point connaître ces sensations. Appelée par la Providence à de hautes destinées, à une place éminente, elle t'a doué de toutes les qualités propres à faire le bonheur de ceux qui dépendront de toi. J'en suis si persuadé que je n'ai rien à te recommander que la prudence, qui t'est si nécessaire pour voir et pour éviter les dangers qui te menacent, si Auguste est décidé à abdiquer. Pense que ton plus grand ennemi sera maître absolu dans le pays que tu habites, que tu es encore son premier sujet, et qu'il aura en main tous les moyens que la haine, la vengeance et le pouvoir suprême lui donnent pour détruire tout ce qui peut s'opposer à ses desseins, et que rien ne lui sera sacré. Assure-toi d'un moyen de fuite, et dispose de moi et de tout ce qui m'appartient pour accomplir le vaste plan que nous avons formé. Adieu.